إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 2 dans l'explication du livre Adab al-Mashi ila al-Salat et c'est avec le sharh de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah. On est arrivé donc à l'explication de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Hein, on a expliqué la semaine passée, on a terminé avec la parole lorsqu'il dit وَأَنْ يَمْشِيَ إِلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةِ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا. On a expliqué qu'est-ce que ça signifiait. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque vous entendez l'iqama, marchez vers la salat, alors que vous êtes en tranquillité. Hein, marchez d'un pas reposé, tranquille. Et si ce que vous réussissez à attraper dans la salat, priez-le avec l'imam, et ce que vous manquez, alors complétez-le. Hein? Complétez-le. Naam, on a expliqué qu'en même temps aussi, qu'est-ce que tu termines de ta prière après que l'imam a fait le taslim, si tu es arrivé en retard, eh bien pour toi c'est la fin de ta prière, sinon c'est pas le début. Okay? Parce que des fois tu vois que des gens, par exemple, quand ils se relèvent après le taslim de l'imam, ils se relèvent et puis ils récitent à haute voix. Comme s'il s'imagine que ce qu'il a manqué, il recommence à partir du début quand l'imam finit. Comme par exemple, toi tu es arrivé, l'imam a fait le salat al-Isha, il a prié les deux premières rakat, puis il est rentré. Il a fait les deux premières rakat, toi tu es rentré, tu as trouvé l'imam en train de faire la troisième rakat. Donc toi tu fais Allahu Akbar, tu rentres dans la salat toi aussi. Quand l'imam termine, il fait salam, toi tu te relèves pour faire ta troisième et quatrième rakat après lui, parce que toi tu as juste fait deux. Donc la première que tu fais, c'est la première que tu as faite avec l'imam, c'était la troisième pour l'imam. Puis la quatrième, c'est-à-dire que quand l'imam fait la troisième, pour toi c'est la première. Quand il fait la quatrième, pour toi c'est la deuxième. Quand il fait le taslim, tu te relèves, là tu fais ta troisième et ta quatrième. Hein, c'est pas que tu as fait avec l'imam la troisième et la quatrième, puis toi tu te relèves pour faire la première et la deuxième. Parce qu'il y en a, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent que quand ils se relèvent, ils font la première et la deuxième, donc ils récitent à haute voix. Alors que non, puisque tu as déjà prié, tu as déjà fait la première et la deuxième avec l'imam. Puis le takbiratul ihram, c'est quand tu as commencé ta prière. Oui, si tu as manqué deux rakat, donc une des deux, c'est-à-dire quand tu vas te relever, tu vas faire une à haute voix, puis l'autre, ça va être la troisième. Donc la troisième, tu ne la fais pas à haute voix. Non. Tayyib khair, inshallah. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué au dernier cours. Après, le Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit وَأَنْ يُقَارِبْ بَيْنَ خُطَاهُ وَأَنْ يُقَارِبْ بَيْنَ خُطَاهُ. C'est-à-dire qu'il rapproche ses pas. Hein? Qu'il rapproche ses pas. Donc quand il fait des pas, il fait des pas rapprochés. Ok? Et la raison pourquoi? C'est parce que, comme on va voir, quand tu marches vers la salat, chaque pas que tu fais, c'est un péché qui est effacé et un degré que tu es élevé dans le paradis. Donc c'est bien de rapprocher tes pas, comme ça tu fais plus de hasanat, tu t'élèves de plus de degrés et tu effaces plus de péchés. Le cheikh Abdul Muhsin il dit « Min adab il mashi ila salat » أن يكون في مشيه إليها معتدلا فلا يكون متباطئا ولا مسرعا لأن في مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حط الخطايا ورفع الدرجات قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف عليه صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc on va commencer par traduire ça. Qu'est-ce qu'il explique le Cheikh Abdul Muhsin? C'est que parmi les manières de la marche vers la salat, c'est que tu dois être modéré dans la façon dont tu marches vers la salat. Tu ne dois pas être trop lent, puis tu ne dois pas non plus aller trop vite. Tu dois marcher d'une marche normale, hein, d'une marche qui est modérée. Et en rapprochant tes pas, sans aller trop lent et sans aller trop vite, il y a dans ça, comme le prophète Hassan l'a dit, un péché qui est effacé, hein, Allah t'efface un péché à chaque pas, et il t'élève en différents degrés. Il t'élève en degrés, yani, à chaque pas aussi. Donc, il mentionne ensuite le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, radiallahu anhu, il dit que la salat que quelqu'un fait en jama'a, elle est multipliée en récompense. Sa récompense a 25 fois plus de valeur que si tu pries dans ta maison ou que si tu pries dans ton marché, hein, dans ton commerce ou dans l'endroit où tu fais ton marché. Et ça, c'est lorsque tu fais ton wudu de la meilleure manière et puis que tu sors pour aller à la mosquée et qu'il n'y a rien d'autre qui te fait sortir de chez toi excepté la salat. Il n'y a pas un pas que tu fais excepté que ça t'élève en degré et que ça te efface un péché ou une faute. Et lorsque tu fais la salat avec la jama'a, eh bien les anges font des do'as, des invocations pour toi. Et tant que tu es dans la place que tu as prié, les anges continuent à faire des invocations pour toi et ils disent quoi? Ils disent « Oh Allah, envoie ton salut sur lui et fais-lui miséricorde, fais-lui, yani, irhamhu, wa salli alayhi. » Et il dit que tant que tu es assis à ta place dans la mosquée en train d'attendre la salat, c'est comme si tu étais dans la salat à ce moment-là. Quand tu attends la salat, tu es assis dans la mosquée, tu attends l'heure de la salat, c'est comme si pendant cette attente, tu étais dans la salat elle-même. Hein? Donc ça, c'est pour montrer l'importance et la valeur et le mérite de ces adorations-là. Il cite ensuite un autre exemple, qui est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira. Il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وهذا الثواب كما يكون في الذهاب فإنه يكون أيضا في الإياب. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب. Donc on va lire le hadith ensuite de Ubay ibn Ka'b pour expliquer ce hadith. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Donc le hadith, il dit, il y a un autre hadith également dans ce sens-là qui est rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah va effacer vos péchés et vous élever en degré? Ils ont dit, certes, au messager d'Allah, oui, on veut savoir. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous faites le wudu en étendant votre wudu et vous faites plusieurs pas vers la mosquée. Donc, étendre le wudu et al-makarih, si je me souviens, ça veut dire, par exemple, si l'eau elle est froide, il fait froid, tu fais le wudu, al-makarih, ça veut dire il y a une récompense là-dedans. Aussi, kathratul khuta, quand tu fais de nombreux pas pour aller à la mosquée, ça c'est une chose aussi qui fait partie des choses qui fait que tu mérites que Allah t'efface tes péchés et t'élève en degré. Et le fait d'attendre une salat après l'autre, tu fais une salat, tu t'assois pour attendre l'autre. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle ar-ribat. Il dit, ces choses-là sont ar-ribat. Ar-ribat, c'est quoi? Ar-ribat, c'est qu'est-ce qu'on appelle le fait de s'asseoir, pour préserver les frontières des États musulmans. Donc, à l'époque, par exemple, on appelait ça ar-ribat. C'est un endroit où, disons, c'est comme si tu gardes la... Bon, on peut dire la tour de garde, mais c'est comme aujourd'hui le fait de garder les frontières des États islamiques. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme par exemple si on va dire que les musulmans avancent vers d'autres pays qui ne sont pas des pays musulmans, puis que il y a des koufars qui sont en guerre contre les musulmans, donc les musulmans qui restent à la frontière, c'est plus dangereux de rester à la frontière parce que l'ennemi peut les attaquer à n'importe quel moment et eux ils savent jamais à quel moment l'ennemi va venir pour les attaquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans le sens que de rester dans ar-ribat pour protéger les lignes et les frontières des musulmans, c'est quelque chose qui fait que le musulman il a beaucoup de récompenses à ça parce que sa vie est menacée, il est en danger. Mais il fait preuve de courage, puis il reste à cet endroit-là. C'est une des meilleures formes d'adoration. Et ça rentre dans les chapitres du djihad. On parle souvent de ar-ribat dans les questions ou dans les chapitres qui ont rapport avec le djihad fi sabilillah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux croyants des grandes récompenses de faire ar-ribat. Mais ici, il mentionne que même de rester dans la salat pour attendre une autre salat, ça aussi, ça fait partie de ar-ribat. Donc, c'est pour dire que ça, c'est une grande, grande récompense. Il dit ensuite, wa-dhahab, donc il dit la récompense du fait que chaque pas que tu fais, ça t'efface un péché et que ça t'élève d'un degré, en degré, eh bien, c'est pas seulement dans le fait d'aller à la mosquée, mais même quand tu retournes chez toi, tu as cette récompense-là aussi, subhanallah. Et ça, c'est quelque chose, moi-même, j'avais jamais entendu et j'avais jamais su ça. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus motivant, de marcher vers la mosquée lorsque tu entends ça. Et il dit, le hadith en question, c'est « Fafi sahih muslim, an Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qal » كان رسول الله كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Qu'est-ce que ça dit le hadith? Ça dit que c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, qui dit il dit il y avait un homme, je connaissais personne qui habitait plus loin de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que lui. Il y avait personne qui habitait plus loin de la mosquée que lui. Malgré tout, il ne manquait jamais une salate. Il ne manquait jamais une salate à la mosquée. Alors, on lui a dit, ou bien je lui ai dit, si tu achetais un âne que tu pouvais monter, et comme ça tu aurais pu marcher sur cet âne dans la noirceur, hein, quand tu viens pour le salat al-Isha, ou quand tu retournes chez toi après l'Isha, ou bien quand tu viens pour salat al-Subh, hein, tu marches dans le noir, tu marches dans la noirceur. Donc c'est mieux si tu as un âne qui marche, hein, qui fait le chemin avec toi. Comme ça, yani, tu risques moins de danger. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas s'il reste de l'eau. Il n'y en a plus? Ah, il n'y en a plus. C'est pour ça que j'ai dit à Samir tantôt de ramener des bouteilles d'eau. Inch'Allah. Naam. Donc, il a dit, donc, si tu avais un âne, tu pouvais faire le chemin dans la nuit quand il fait noir, ou bien la journée quand il fait très chaud. Tu montes sur l'âne, c'est plus reposant, c'est moins fatigant. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, ce sahabi? Il a dit, je serais pas heureux que ma maison soit à côté de la mosquée. Il dit, je serais pas heureux que ma maison soit à côté de la mosquée, parce que je veux que chaque pas que je marche vers la mosquée, et ainsi que mon retour vers ma famille, soit écrit pour moi. C'est-à-dire, je veux que ma marche vers la mosquée et mon retour chez moi soit écrit pour moi, comme ça j'aurai la récompense de ça au jour de la résurrection. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, Allah va te rassembler tout ça pour toi. Tout ce que tu veux là, comme si le fait que Allah t'écrive ta récompense pour la marche que tu marches vers la mosquée et le retour chez toi, Allah va te le rassembler tout ça pour toi. Donc ça montre la récompense. Déjà que chaque pas que tu fais vers la mosquée, Allah t'élève d'un degré et il t'efface un péché parmi tes péchés. Donc ça c'est quelque chose qui nous encourage encore plus à faire des efforts pour ça et à marcher, à faire beaucoup de pas et à aller vers la mosquée. Après le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit « Wa qawluhu wa yaqul Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha » فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، وأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث للشيخ عبد المحسن إلى سيتي الحديث والدعاء qui était mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh Allah, je te demande par le droit de ceux qui t'invoquent, ou le droit que ceux qui t'invoquent ont sur toi, et par le droit de cette marche que je suis en train de faire vers la mosquée, que je te demande, alors que je ne suis pas en train de sortir pour faire quelque chose de mal, ni par fierté, ni par ostentation, ni pour me faire entendre ou me faire voir par les gens. Je suis sorti pour m'écarter, pour m'éloigner de ta colère et pour rechercher ton agrément, et je te demande que tu me sauves de l'enfer et que tu me pardonnes mes péchés, tous mes péchés, et personne ne pardonne les péchés excepté toi. Donc ça c'est la signification de l'invocation en question, sauf que c'est une invocation qui n'est pas authentique. C'est une invocation qui n'est pas authentique. Et le cheikh Abdul Muhsin, il dit « Wal hadithu da'if » وفي إسناده عطية بن سعد العوفي وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. Donc c'est un hadith qui est ضعيف, et la raison pourquoi il est ضعيف c'est parce qu'il est rapporté par c'est-à-dire dans la chaîne de transmission de ce hadith il y a un des narrateurs qui s'appelle عطية بن سعد العوفي. Et Atiyah ibn Sa'd ibn al-Awfi, le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il mentionne à son sujet dans son livre Al-Taqrib que c'était quelqu'un qui n'était pas fiable dans le hadith. Il faisait beaucoup d'erreurs, hein, et qu'il était même un shi'i mudallis. Donc ça, si tu retournes, si vous voulez, même l'autre, une bonne fois, je vais vous ramener le livre Al-Taqrib. C'est un livre de Rijal. On mentionne tous les noms des rapporteurs de hadith dans le Kutub al-Sitta, puis le degré de chacun de ces rapporteurs-là. Hein, est-ce qu'il était thiqa, est-ce qu'il était sadouq, est-ce qu'il était daif, et ainsi de suite. Et là, donc, c'est comme ça les ulama de hadith, quand ils ne sont pas certains de l'authenticité d'un hadith, ils ramènent la chaîne de transmission et puis ils étudient un par un, chacun des narrateurs, pour vérifier si chacun d'entre eux était honnête ou correct. Puis, c'est comme ça qu'ils peuvent savoir si un hadith est authentique ou non. Donc ici, on voit que le hadith en question, il n'est pas authentique. Et il dit ensuite, « وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ وَانْظُرْ سِلْسِلَةَ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لِلْأَلْبَانِ » Le hadith 24, il dit, « وَلَوْ صَحَ الْحَدِيثِ » لو يعني ça c'est une supposition لو صح الحديث لم يكن فيه حجة لجواز التوسل بالأشخاص لأنه توسل بحق السائلين وما هو حق السائلين حق السائلين هو الإجابة ومن أسماء الله المجيب ها المجيب ومن صفاته الإجابة. Donc, le cheikh, il explique que c'est un hadith qui était rapporté par l'imam Ahmad, c'est le hadith 11156. Et vous pouvez lire plus de détails, si vous voulez, dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa de Cheikh al-Albani, le hadith numéro 24. Et il dit que même si le hadith en question était authentique, parce qu'on trouve souvent ce hadith-là, ou ce dua, mentionné dans les livres des soufis, quand ils essaient de justifier que on peut demander à Allah par sa création, hein, ou par le droit de sa création, ou d'une de ses créatures. Alors qu'on sait que ça fait partie des formes de tawassul qui sont mubtada. C'est-à-dire, c'est une innovation de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses créatures. Mais ici, le cheikh explique que même si le hadith était authentique, il n'y aurait pas de preuve pour ceux qui essaient de rendre licite le fait de faire le tawassul par une créature, comme ceux qui disent « Oh Allah, je te demande par ton prophète » ou « Je te demande par le droit de ton prophète » ou « Je te demande par le droit des hommes pieux » ou des choses comme ça, hein, ça c'est quelque chose qui est interdit, ça fait partie des innovations, des bid'ah, et ça peut ramener même à faire tomber les gens dans le shirk, comme le font par exemple les chrétiens, quand ils prient à Dieu, ils demandent au nom de Jésus ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des exemples de shirk. Donc, c'est très dangereux. Ça peut ramener les gens à tomber dans le shirk. Hein? Donc, si tu demandes à Allah, mais par une créature, ou par le nom d'une créature, ça, c'est pas shirk akbar. C'est considéré par les ulama comme une forme de bid'ah, une forme de shirk asrar. Mais c'est pas Shirk Akbar, d'accord? Mais si tu demandes directement à une créature en dehors d'Allah, ça c'est Shirk Akbar. Comme par exemple, si quelqu'un dit « Oh, prophète Muhammad, guide-moi, donne-moi le paradis, fais-moi rentrer au paradis, protège-moi de l'enfer », ça c'est Shirk Akbar. Ça fait sortir de l'islam. Parce que tu demandes, au lieu de demander à Allah, tu demandes à une créature, à un prophète, au lieu de demander à Allah. Et ça, l'invocation, c'est un des droits exclusifs d'Allah, puisque c'est une forme d'adoration. Mais si tu demandes à Allah directement, mais tu demandes par le nom d'une créature, hein, tu dis, « Oh Allah, je te demande que tu me donnes telle telle chose par ton prophète ou par le droit de ton prophète ou des choses comme ça, eh bien là c'est pas pareil. Ça c'est pas shirk akbar, c'est une forme de bid'a, parce que les sahabes n'ont jamais fait ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné de faire ça, mais c'est quelque chose qui peut amener même à faire le shirk plus tard ou à tomber dans le shirk. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle at-tawassul al-bid'i. C'est une forme de tawassul qui est innovée, qui ne fait pas partie de la sunna. Et donc le cheikh ici, cheikh Abdul Muhsin, il dit, même si le hadith en question était sahih, il n'y aurait pas de preuve pour ceux qui veulent essayer de justifier de faire le tawassul par quelqu'un ou par des personnes. Pourquoi? Parce que ici, on demande par le droit de ceux qui demandent à Allah. Et c'est quoi le droit de ceux qui demandent? C'est d'être exaucé. Hein? Et un des noms d'Allah, c'est Al-Mujib. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui exauce. C'est un de ses noms, qu'il est Mujib. Et une des attributs qui découle de ce nom-là, c'est Al-Ijaba. C'est-à-dire le fait de répondre, d'exaucer la personne qui invoque. Donc il n'y a pas de tawassul bil-ashras, il y en a dans ça. D'accord? Il n'y a pas de justification pour ceux qui veulent faire ce genre de tawassul innové hein, ici. Ensuite, il continue et il dit, wa qawluhu, ça c'est les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, yaqul Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Donc ça c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit, celui qui marche vers, qui s'en va vers la mosquée, il dit, oh Allah, je te demande de mettre dans mon cœur de la lumière et dans ma langue de la lumière et dans mon regard ou dans mes yeux de la lumière et à ma droite de la lumière et à ma gauche de la lumière et au-dessus de moi de la lumière et en dessous de moi de la lumière. Oh Allah, donne-moi de la lumière. Ok? Et le cheikh Abdul Muhsin il dit, هذا الدعاء ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وفي لفظ مسلم وفي لفظ لمسلم أنه دعا بهذا الدعاء في خروجه إلى صلاة الصبح تلك الليلة. Donc il dit que cette invocation elle a été rapportée dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a prié la nuit, lorsqu'il a fait la prière de la nuit. C'est-à-dire que après avoir prié l'Isha, hein, il se couche sallallahu alayhi wa sallam, puis en plein milieu de la nuit avant le subh, il se lève pour faire la salat, pour faire des prières surérogatoires. On appelle ça qiyamul layl, la prière de la nuit. Et c'est quelque chose qui est très très méritoire, hein, très très méritoire, et c'est une caractéristique des salihin, des hommes pieux et des prophètes qui priaient la nuit. Et c'est des choses qu'on doit essayer de faire. C'est des choses qui font partie des choses qu'on devrait essayer de faire. Et quand on lit les hadiths surtout, on lit les hadiths sur Qiyam al-Layl, ça donne vraiment envie de le faire, mais ça prend beaucoup de motivation puis beaucoup de foi pour arriver à faire ça. Hein? Donc, après, qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh? Il dit que ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith rapporté selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il est venu dormir chez sa tante Maymouna. Parce que c'est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était la tante de Abdullah ibn Abbas. Donc il est venu passer la nuit chez sa tante, et pendant qu'il a passé la nuit là-bas, il a surveillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir qu'est-ce qu'il faisait, comment il faisait son adoration et ainsi de suite. Et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé dans la nuit. Quand il l'a vu se lever pour prier, il a fait son wudu, puis il est venu se placer à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier dans la nuit avec lui. Hein? Donc tout ça c'est rapporté dans le hadith en question. Et donc ça c'était à cette occasion qu'il a mentionné ce dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a également fait ce dua lorsqu'il est sorti cette nuit-là pour aller à la prière de subh, pour aller à la salat de subh. Et il dit « وَقَدْ اجْتَمَعَ فِي صَحِحِ مُسْلِمْ إِثْنَا عَشْرَةَ كَلِمَةً » C'est-à-dire que dans Sahih Muslim, le hadith 1797, il est plus long. Le dua, il est plus long. Il y a plus de choses qui sont mentionnées. Il y a 12 paroles qui sont mentionnées dans le dua. Il dit « Allahumma ja'al fi qalbi nouran » وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وبين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. Donc c'est ça, ça fait 12. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, oh Allah, mets-moi dans mon cœur de la lumière, et sur ma langue de la lumière, et dans mon ouïe de la lumière, et dans ma vue de la lumière, et au-dessus de moi de la lumière, et en dessous de moi de la lumière, et à ma droite de la lumière, et à ma gauche de la lumière, devant moi de la lumière, et derrière moi de la lumière, et en mon âme de la lumière, et agrandis-moi la lumière. Donc ça, c'est le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et c'est quelque chose qui est bien de mentionner ça, de demander à Allah de la lumière. Et il dit وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ كِتَابَهُ بِأَنَّهُ نُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son livre en disant que c'était une lumière. Allah a décrit ça, Allah a décrit son livre comme étant une lumière. Il dit فقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ووصف نبيه بذلك فقال يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le verset dans le Coran, un des versets du Coran, dans sourate je pense c'est sourate Shura, à la fin Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est ainsi que nous t'avons fait que nous t'avons révélé une âme venant de nous, un esprit de notre ordre, de notre commandement. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni ce qu'était la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons d'entre nos serviteurs. Et certes, tu guides vers un droit chemin. Et il a décrit son prophète en disant, ô toi prophète, nous t'avons envoyé comme un témoin, comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Et quelqu'un qui invite à Allah par sa permission et une lanterne qui éclaire, une lanterne éclairante. Il dit, le cheikh Abdul Muhsin, ونور القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم نور الهداية والتوفيق. نور القرآن والرسول نور الهداية والتوفيق. والمسلم يدعو بهذا الدعاء ليظفر بنور الهداية في قلبه وحواسه وفيما يحيط به فيكون على استقامة واهتداء فيكون قلبه مستنيرا بنور الإيمان والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب ويكون بصره ذا نور وهداية لا ينظر به إلا إلى ما أحل الله وكذا السمع لا يسمع إلا ما هو حلال ولا يتكلم باللسان إلا بما هو سائغ فيتغمر أنوار الهداية قلبه وحواسه وتحيط به من جميع جهاته. Donc le cheikh il dit que la lumière du Coran et du messager, c'est la lumière de la guidance et du succès. Et il dit que le musulman invoque Allah par cette invocation pour obtenir cette lumière de guidance dans son cœur et dans ses sens et dans tout ce qui l'entoure. Et donc, il reste sur la droiture et sur la guidance, et son cœur reste illuminé par la lumière de la foi et de la crainte et de la repentance à Allah, et ainsi que d'autres parmi les actions du cœur. Et yani, sa vue reste illuminée, hein, reste illuminée par cette lumière et par cette guidance. Et lorsqu'elle est illuminée par cette guidance, elle ne regarde que ce qui est permis, yani, que Allah lui a permis de regarder. Et s'ennuie également. Lorsqu'elle est illuminée de cette guidance, elle n'écoute que ce qui est halal pour lui. Et par sa langue, lorsqu'elle est illuminée par cette lumière et cette guidance, eh bien, elle ne va mentionner que ce qui est acceptable et permis. Et il sera donc enveloppé par cette lumière de guidance dans son cœur et dans ses sens. Et ça va envelopper le serviteur de tous les côtés, par tous les côtés. Hein, donc ça, c'est le bienfait d'obtenir cette lumière de guidance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, وَقَوْلُهُ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ اسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك. Bon. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite, lorsque tu rentres dans la mosquée, il est recommandé de présenter le pied droit en premier et de dire Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah, je cherche refuge en Allah le très grand et par son visage noble et par sa puissance éternelle contre le shaytan ar-rajim, c'est-à-dire le shaytan le lapidé ou le rejeté. Et tu dis ensuite, ô Allah, envoie ton salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi la porte de ta miséricorde. Et lorsque tu sors, tu dis, tu sors avec le pied gauche en premier et tu dis, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta grâce, hein. Et le cheikh, il mentionne donc plus de clarification parce que la narration que le cheikh a citée, elle n'est pas telle qu'elle dans les livres de hadith. Donc il mentionne le cheikh avec les références par la suite et il corrige un peu qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit. Il dit, قال النووي في شرح صحيح مسلم ما معناه قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضده ما استحب فيه التياسر. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وروى الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. Donc le cheikh, il dit que l'imam al-Nawawi, il mentionne dans son explication de Sahih Muslim ce qui a la signification suivante, c'est-à-dire qu'il y a une règle dans la charia qui est permanente, et cette règle, c'est qu'il est toujours recommandé de débuter tout ce qui est bon et noble, et tout ce qui a rapport avec l'embellissement, de commencer par la droite. Et tout ce qui est mauvais, ou tout ce qui est sale ou mauvais, donc de commencer par la gauche. Et Ça, c'est également, le cheikh il dit que c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiyallahu anha, elle disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer par la droite dans, lorsqu'il mettait ses sandales, lorsqu'il peignait ses cheveux, et lorsqu'il se purifiait, et dans toutes ses affaires. Dans toutes ses affaires. Il aimait commencer par la droite. Et c'est rapporté également dans Al-Mustadrak de l'imam Hakim selon Anas. Et j'ai expliqué au dernier cours qu'Al-Mustadrak, c'est un livre qui est écrit par l'imam Hakim. Hakim, un des imams du hadith. Et il a écrit ce livre pour mentionner des hadiths qui sont selon les conditions de Al-Bukhari et Muslim, mais qui ne sont pas mentionnés dedans, dans les deux. Ils ne sont pas mentionnés dans les deux, mais ils sont authentiques. Et il a écrit donc ce livre-là, comme j'expliquais que parfois il mentionne des hadiths, mais les conditions qu'il a mises ne sont pas aussi strictes que les conditions de Al-Bukhari et Muslim. Parfois il est un peu, il laisse un petit peu passer un peu trop souple dans ses conditions. Et c'est pour ça que parfois l'imam al-Dhahabi il confirme son jugement ou il le contredit. Hein, c'est pour ça que on dit ici wa hadha hadithun sahih ala shart muslim wa wafaqahu al-Dhahabi. Donc en général quand al-Dhahabi il est en accord avec al-Hakim, eh bien généralement c'est authentique. Hein? Et donc c'est ça, il dit qu'il est en accord avec les conditions de l'authenticité qui ont été établies par l'imam muslim dans son sahih. Il dit wa qawlu as-sahabi min as-sunnati kadha, lorsqu'un compagnon dit par exemple dans une parole parmi les exemples de la sunna il y a de faire telle ou telle chose, ça a le même verdict que s'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, d'accord, parce que il l'attribue à la sunna. Et le sahabi, quand il attribue quelque chose à la sunna, ou quand il dit par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisions telle ou telle chose, en général, ça a le même verdict que al-rafa. On dit que c'est marfou, c'est-à-dire, c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, quand ils disent par exemple, quelque chose qui a rapport avec le raïd, qu'on ne peut pas savoir sauf par la révélation, on considère que c'est aussi que c'est quelque chose qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est comme si c'était un hadith. Donc ici il dit que parmi les éléments de la sunna il y a que lorsque tu rentres à la mosquée tu commences par le pied droit et lorsque tu sors tu commences par le pied gauche. Ça c'est qu'est-ce que Anas ibn Malik a mentionné ici. Et il dit wa taqdimu ar-rijl al-yumna 'inda dukhul al-masjid wa ta'khiruha 'inda al-khuruj minhu فيه كثرة نصيبها في المسجد لأنها أول ما يدخل فيه وآخر ما يخرج منه عند الخروج منه فيه كثرة نصيبها في المسجد لأنها أول ما يدخل فيه وآخر ما يخرج منه. Donc qu'est-ce qu'il explique, il dit de rentrer par le pied droit lorsque tu rentres dans la mosquée et de sortir par le pied gauche, c'est-à-dire de retarder de sortir avec le pied droit lorsque tu sors de la mosquée, c'est encore plus important de le faire quand c'est dans la mosquée que ailleurs que la mosquée. Et c'est ce que je comprends de qu'est-ce qu'il dit ici, parce que c'est la première chose que tu rentres avec et la dernière chose par laquelle tu sors, c'est la droite. Il dit ensuite wa rawa Muslim fi sahihihi an Abi Humayd wa Abi Asyad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum al-masjid falyaqul Allahumma iftah li abwab rahmatik wa idha kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Donc il dit ici que c'est rapporté selon l'imam Muslim, le hadith 1652, selon Abi Humayd ou Abi Asyad, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il dise, ô Allah, ouvre-moi la porte de ta miséricorde. Et lorsqu'il sort, il dit, ô Allah, je te demande de ta grâce. Il dit, wa rawa Abu Daoud fi sunanih بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Donc il dit, c'est rapporté par l'imam Abu Daoud dans son Sunan avec une chaîne de transmission qui est bonne, Hassan. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un rentre dans la mosquée, qu'il dise, je cherche refuge en Allah le très grand, et en son visage, en son noble visage, et en sa puissance éternelle contre le shaytan rajim. Hein? Et il dit, amma tasmiyatu والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله عنه وعن إسماعيل القاضي وعند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها وفي سنن الترمذي ذكر الصلاة والسلام دون التسمية وهي يقوي بعضها بعضا يتبين من مجموع هذه الأحاديث أنه يقول عند دخول المسجد بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أما ذكر المغفرة فقد جاء عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريبا وإسناده ضعيف فهي غير ثابتة. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de mentionner le basmala, c'est tu dis bismillah et de dire Allahumma salli ala Muhammad, il dit ça a été rapporté par Ibn Sunni dans son livre Amalul Yawmi wal Layla selon Anas radiyallahu anhu, et également par Ismail al-Qadi dans le mérite d'envoyer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Fatima radiyallahu anha, et également rapporté dans At-Tirmidhi, hein? Mais dans At-Tirmidhi on mentionne de dire as-salat wa salam sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne mentionne pas le basmala, et cette version de At-Tirmidhi vient confirmer ou renforcer les différentes versions, et on peut comprendre en réunissant tous ces hadiths ensemble que ce qu'on doit dire lorsqu'on rentre dans la mosquée, c'est Bismillah au nom d'Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, ou Allah envoie ton salut et la paix sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et أعوذ بالله العظيم, je cherche refuge en Allah le très grand, وبوجهه الكريم, et en son noble visage, وسلطانه القديم, et sa puissance éternelle, من الشيطان الرجيم, contre le shaitan le lapidé. اللهم افتح لي أبواب رحمتك, ô Allah, ouvre-moi la porte de ta miséricorde. En ce qui concerne la demande de pardon, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a cité dans le point précédent qu'on est en train d'expliquer, il dit que ça s'est rapporté dans At-Tirmidhi, sauf que l'isnad en question elle est faible, et donc c'est pas quelque chose qui est authentique, c'est pas quelque chose d'authentique de dire Allahumma ghfir li dhunubi. Cette partie-là, Allahumma ghfir li dhunubi, en rentrant à la mosquée, ça, cette partie, elle n'est pas authentique, elle n'est pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique. Ensuite, le cheikh, il dit, cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, il dit, qala cheikhuna al-cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, fi mansakihi, فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. Donc le Cheikh Abdulaziz ibn Baz, il a dit dans son livre au sujet des règles du Hajj: lorsque tu rentres à la mosquée Al-Haram, hein, à la Mecque, le Masjid Al-Haram, il t'est recommandé de rentrer avec le pied droit en premier et de dire en rentrant Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytan ar-rajim, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Donc tu dis ça lorsque tu rentres dans toutes les mosquées. Dis, c'est pas seulement Masjid al-Haram, c'est dans toutes les mosquées, et c'est pas seulement pour le Masjid al-Haram. Et il dit qu'il n'y a pas un dhikr spécifique pour Masjid al-Haram quand tu rentres. Il n'y a rien de spécifique, c'est général pour toutes les mosquées. Et il dit qu'il n'y a rien d'authentique qui serait spécifique à la mosquée de la Mecque. Hein? Donc, il dit selon ma connaissance, un fima a'lam. Et donc, si le cheikh, lui, il ne le sait pas, donc je ne vois pas qui va le savoir. Parce que le cheikh, inshallah, il en a lu des hadiths. Et le cheikh, il dit ensuite, wa nasaba 'inda dukhul al-masjid su'al Allah ar-rahma. لأنه إنما جاء إليه يرجو رحمة الله وثوابه وجزاءه وناسب عند خروجه منه سؤال الله من فضله لأنه بخروجه منه يرجو فضل الله ورزقه كما جاء في سورة الجمعة النهي عن البيع بعد الأذان للجمعة وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Donc le cheikh il dit qu'il convient lorsque tu rentres à la mosquée de demander à Allah de sa miséricorde, puisque tu es uniquement venu à la mosquée en espérant la miséricorde d'Allah ainsi que sa récompense et sa rétribution. Et il convient, en sortant de la mosquée, de demander à Allah de sa grâce, puisque en sortant de sa grâce, tu espères sa grâce et sa subsistance, hein, son risque. Parce que souvent les gens ils viennent à la mosquée pour prier Allah, puis quand ils sortent, ils vont travailler. Ils retournent travailler. Hein? Ils retournent au travail. C'est comme ça dans la plupart des pays musulmans. Les gens, bon, je ne sais pas dans tous les pays, mais dans certains pays musulmans, alhamdoulilah, quand les gens sont au travail, ils entendent le adhan, ils sortent pour aller prier, et après la salat, ils retournent à leur travail. Hein? Et donc, ça c'est le bienfait de ça. Tu demandes à Allah la miséricorde et quand tu finis la salat, tu retournes chercher ton risque. Et ça, c'est une grâce d'Allah. Et comme il dit dans Surat al-Jumu'ah, hein, puisqu'on mentionne l'interdiction de vendre, hein, ou de faire du commerce après le adhan de Jumu'ah, on n'a pas le droit de faire du commerce après le adhan de Jumu'ah, hein, et que lorsque la salat est finie, Allah nous demande de nous répandre sur la terre, hein, de partir sur la d'aller sur la terre et de rechercher de sa grâce, de rechercher de la grâce d'Allah. Comme il mentionne dans Surat al-Jumu'ah, oh, vous qui avez cru, lorsqu'on appelle, hein, à la prière de Jumu'ah, le jour de Jumu'ah, alors précipitez-vous vers le rappel d'Allah et délaissez le commerce à ce moment-là. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et lorsque vous avez terminé la salat, alors dispersez-vous sur la terre et recherchez de sa grâce, hein, de la grâce d'Allah, souvenez-vous beaucoup d'Allah pour que vous puissiez avoir le succès. Donc ça, c'est des exemples, du fait que lorsqu'on rentre dans la mosquée, on dit Allahumma ftah li abwaab rahmatik, et quand on sort de la mosquée, on dit Allahumma inni as'aluka min fadlik, je te demande de ta grâce. Ensuite le cheikh il dit wa qawluhu wa idha dakhala al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn yadullu lidhalika قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن قتادة عن أبي قتادة. Donc il dit le cheikh que lorsque tu rentres à la mosquée, hein, tu ne dois pas t'asseoir avant d'avoir fait deux rak'a, avant d'avoir fait deux rak'a qu'on appelle tahiyatul masjid, le salut de la mosquée. Donc tu rentres dans la mosquée, tu fais rak'atayn avant de t'asseoir. Wa idha dakhala, il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, qui dit lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assoie pas avant d'avoir fait deux rak'at, hein, deux unités de prière. Et il dit, le cheikh Abdul Muhsin, en expliquant ça, il dit que ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith de Al-Bukhari, c'est le hadith 1163, et celui de Muslim, c'est 1654. Et c'est la version de l'imam Al-Bukhari ici, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas fait deux rak'ah. Et c'est rapporté selon Abi Qatada. Il dit لا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة فله أن يصلي فوقهما ما شاء. Il dit qu'il ne faut pas comprendre que tu dois juste faire deux rak'at quand tu rentres dans la mosquée. Il dit que deux rak'at ou plus. Tu peux faire deux rak'at ou plus. Hein, tu n'es pas obligé de faire juste deux. Et il dit وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَقَلَّ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يُتَطَوَّعْ بِأَقَلِّ مِنْ رَكَعَتَيْنِ. Il dit tu ne peux pas faire moins que deux. Tu peux faire autant que tu veux, mais tu ne peux pas faire moins que deux. Et il dit, parce que le minimum de prières volontaires que tu as le droit de faire comme rak'at, c'est deux. Ok? C'est le minimum, c'est deux rak'at que tu peux faire seulement. Et il dit, « وَيُقَالُوا لَهُمَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ » وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَحَمَدُ اللَّهِ. Le nom de ces deux rak'at que tu fais lorsque tu rentres dans la mosquée avant de t'asseoir, ça s'appelle « تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ » le salut de la mosquée. وذهب بعض اهل العلم الى ان الى الاتيان بهما في جميع الاوقات وحتى في اوقات النهي لعموم هذا الحديث وذهب بعضهم الى عدم الاتيان بهما بعد صلاه العصر حتى الغروب ومن بعد صلاه الفجر حتى طلوع الشمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Donc il dit, qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il parle de la divergence qui existe au sujet de Tahiyatul Masjid dans les moments d'interdiction. Il y a deux moments d'interdiction de prier, des prières surérogatoires dans la journée, avant le coucher de soleil, après l'asr, et après le lever de soleil, après le fajr. C'est les deux moments où la salat surérogatoire est interdite. Et le cheikh il l'explique en disant que il y a des savants qui ont dit que tu peux prier la prière du salut de la mosquée à n'importe quel moment, même dans les moments où la prière est interdite. Parce que c'est comme ils disent que hiya yani salatun zatu sabab. Salatun zatu sabab, c'est-à-dire c'est une prière qui est reliée à une cause ou à une raison spécifique qui est permise dans la sunna. C'est-à-dire la prière de l'entrée dans la mosquée. Donc puisque tu rentres dans la mosquée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de faire 2 rakats avant de t'asseoir, dans ce cas-là, tu as le droit de le faire à n'importe quel moment. Et donc eux, ils ont pris ce hadith-là comme étant yani quelque chose qui yani est général. Le hadith de faire les 2 rakats avant de s'asseoir, ils ont dit ça c'est général. Et d'autres savants ont dit que tu le fais sauf dans les moments où tu n'as pas le droit de prier, comme par exemple comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après salat al-asr jusqu'à ce que le soleil se couche, et après salat al-fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ça c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et il dit le cheikh Abdul Muhsin, il dit man tarajjaha 'indahu ahad al-qawlayn akhadha bihi wal amru fi dhalika wasi'. فلا ينكر على من صلى ولا على من جلس. Hein? Donc le cheikh il dit, celui qui considère que une des deux preuves ou une des deux positions est plus correcte que l'autre, eh bien c'est une divergence qui est large, dans le sens que yani c'est pas, c'est quelqu'un peut prendre une position ou l'autre et c'est pas grave, et il doit suivre la position qui qu'il considère être la plus proche de la vérité. Ok? Et il dit que cette affaire, elle est large, et tu ne dois pas critiquer ou condamner quelqu'un s'il ne fait pas, par exemple, tahiyat al-masjid dans le temps où c'est interdit. Puis tu ne dois pas non plus condamner celui qui fait la prière de tahiyat al-masjid au moment où la prière est interdite non plus. Hein? Donc il dit fala yunkir ala man salla wala ala man jalas. Tu vas pas condamner celui qui prie à ce moment-là quand il rentre dans la mosquée et fait tahiyatul masjid, et tu vas pas condamner celui qui ne prie pas tahiyatul masjid dans le moment où c'est interdit et qui s'assoit directement. Hein? Les deux ont des arguments. Ils ont une raison pour yani prendre cette position-là. Et il dit ensuite, et on va terminer avec ça, وَإِذَا دَخَلَ بَعْدَ الْأَذَانِ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّاتِبَةِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّاتِبَةَ عَلَى حِدَةٍ وَالتَّحِيَّةَ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّهُ بِأَدَائِهِ الرَّاتِبَةِ حَصَلَ لَهُ بِهَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ. Donc il dit par exemple que si tu rentres à la mosquée après l'adhan, tu peux réunir entre la sunna qui est yani ratiba, qui est la sunna de la prière en question que tu vas faire, et tahiyat al masjid. Tu fais ta sunna comme tahiyat al masjid, tu comprends? Donc ton salut de la mosquée, ça va être la sunna de cette prière là que tu viens faire, et c'est pas nécessaire que tu fasses tahiyat al masjid puis que tu fasses ta sunna après. Séparément, tu peux faire ta sunna comme étant ton salut de la mosquée ou tahiyat al-masjid, et c'est correct pour ça va prendre la place des deux. Donc on va s'arrêter ici inchallah pour aujourd'hui, puis on continuera ça yani mardi prochain bi'ibnillah. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, tu veux faire l'adhan, Ibrahim?